dit je m'en vais. Bientôt je reviendrai. Je pars pas très longtemps, quelques mois seulement. C'est vrai qu'on se voyait tous les jours, je sais. Tu me manques déjà. C'est loin où tu t'en vas. Ce sera dur pour toi. Ce sera dur pour moi. Ce sera dur pour toi. Dur pour moi. Je sens comme un vide. Je suis devenu une fille. Ça m'a fait tout bizarre. Déjà le cafard. T'as beau me rassurer de ne pas trop y penser, que tu m'oublieras pas, que c'est pas si grave que ça. Ce sera dur pour toi. Ce sera dur pour moi. Ce sera dur pour toi, dur pour moi. Bien sûr on s'écrira, on se téléphonera. J'ai pas le cœur à la fête, les valises sont prêtes. Puisque tu pars là-bas, puisque je reste là, dans les brouillards de l'ombre, sous les pieds des ombres. Ce sera dur pour toi, ce sera dur pour moi, ce sera dur pour toi, dur pour moi. Ce sera dur pour toi. Ce sera dur pour moi. Ce sera dur pour toi. Dur pour moi. Ce sera dur pour toi. Ce sera dur pour moi. Ce sera dur pour toi. Dur pour moi.